triste à dire, mais on assiste à un suicide social. J'aimerais bien savoir à ce sera quoi l'issue de tout ça. On nous ment constamment, l'injustice cause ta mort ici. L'État ne pense qu'à nous berner pour mieux gouverner. Ils te mettent à gauche si tu fais pas partie de l'élite. Lorsqu'ils te parlent, y'a trop d'énigmes, faut savoir lire entre les lignes. Ça saute aux yeux, tout n'est question que de stratégie, frère. Sois audacieux, c'est le système qui te fera fléchir. Cher, plein de trucs à dire, écoute, je te raconte pas de saucisses. Moi je fais pas de chansons inutiles à la Claude Barz aussi. Je suis loin d'être moraliste, encore moins philosophe. Parfois on fait des concessions, on accepte ce que la vie nous offre. Ah ouais, la vie c'est dur, faut se dire que l'espoir fait vivre. J'ai un discours qui tient la route, moi je suis pas fébrile. Ma condition de vie dépend du prolétariat. Moi je travaille dur, ouais je suis pas de ceux qui prennent les caillras. On n'est pas dans le même monde, on préfère rester dans le nôtre. Ils sont mis dans le même sac, les racailles et les gens nobles. On est pris comme du bétail et faudrait qu'on leur lance des roses. Ma politique envers la leur, c'est la tolérance zéro. Normal qu'ils ont payé pour casser. C'est le discours de certains qu'il faudrait passer au carcher. Eh gros, on va pas se contenter de dire qu'on a pas de peau. Pas de bol, les accas à tirer comme un flashball. Autant dire qu'on est pris pour une jeunesse ostensible. J'ai grandi dans le 7-8, ce qu'ils appellent une zone sensible. On voit des affiches partout, balafré à coups de clé. La flamme est bleu-blanc-rouge, pisse dessus dans chaque couplet. Ferait bien prendre un bain d'acide dans la baignoire. Représente ma jeunesse, blanc, jaune, arabe et noir. Zaka, on vit pas dans le même pays. J'encule les crânes rasés qui s'habillent en frais de péri. En France j'ai 25 piges, on parle encore d'intégration. Les dirigeants prennent des valeurs, même si on parle en adéquation. Avec ce qu'ils véhiculent, certains bafouent les droits de l'homme. Ça me donne le faux cul pour mon avenir, que Dieu leur pardonne. Je baisse pas les bras moi, et je sais très bien que je m'en sortirai pas en touchant 500 euros par mois. Je me bouge le cul, t'inquiète, je reste actif. Je comptais pas me laisser mourir actif. On n'est pas dans le même monde, on préfère rester dans le nôtre. Ils ont mis dans le même sac les racailles et les gens nobles. On est pris comme du bétail et faudrait qu'on leur lance des roses. Ma politique envers la leur, c'est la tolérance zéro. Normal qu'ils ont payé pour casser. C'est le discours de certains qu'il faudrait passer au carcher. Eh gros, on va pas se contenter de dire qu'on a pas de peau. Pas de bol, les AK tirent comme un flashball. Pourquoi tu crois que les gosses des rues se réfèrent à ces péquignoles? Les seuls qui disent la vérité en politique, c'est les guignols. L'avenir pour toi, c'est des petits bisous, c'est l'usine. T'as qu'à teaser de la pipine, ça la soif de réussir. Ségrégation, répression, tu sais à quoi ces méthodes riment. Ils préfèrent te savoir pauvre et rester dans leur ghetto de riche. Les gens vivent dans des taudis entre la misère et les tracas. On se donne pas qu'il y ait des craquages quand on va les traiter de racailles. Y'a le monde réel, y'a l'utopie des politiciens. Ils parlent d'éducation comme d'un dressage pour les petits chiens. J'milite dans le rap et mon micro, c'est comme un porte-voix. Mais l'avenir en face, passe pas les yeux parce que t'as peur de le voir. Fallait que ça crame pour qu'ils en comprennent les effets. On va pas serrer les fesses, on sait pas trop laisser faire. Ils nous ignoreront pas tant qu'on leur mettra des pastèques. La France c'est notre pays, relevez la tête et lâchez pas steak. On n'est pas dans le même monde, on préfère rester dans le nôtre. Ils ont mis dans le même sac les racailles et les gens nobles. On est pris comme du bétail et faudrait qu'on leur lance des roses. Ma politique envers la leur, c'est la tolérance zéro. Normal qu'ils ont payé pour casser. C'est le discours de certains qu'il faudrait passer au carcher. Eh gros, on va pas se contenter de dire qu'on a pas de peau. Pas de bol, les AK ça tire comme un flashball. On n'est pas dans le même monde, on préfère rester dans le nôtre. Ils ont mis dans le même sac les racailles et les gens nobles. On est pris comme du bétail et faudrait qu'on leur lance des roses. Ma politique